continuada una vegada l'altra és interessant veure com la primera es construeix pràcticament a partir de la paraula, amb un registre més documental, mentre que la segona l'expressivitat és una vegada més exclusivament per les imatges, no? I l'apropament és molt més autobiogràfic, barrejant les imatges de Marx, algunes de les quals ja hem vist en la pel·lícula anterior, amb un diari que és Marx, no? Pràcticament. I potser la primera pregunta seria de manera més general de quina manera aquesta, com has dit abans, va ser la primera pel·lícula d'aquest Clementí, de quina manera el maig de l'any 68 i els aconteixements d'aquest van marcar la manera de fer cinema del teu pare, no? El van marcar ell en tant que cineasta. C'est un peu difficile à expliquer parce que ce film il est un peu anecdotique. Je n'ai même pas vu tout l'expliquer parce qu'elles ont fait un anecdotique. C'est un peu le début de tout, la seule petite anecdote. C'est-à-dire que c'est un peu un journal filmé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc il y a les filmages, comme on l'expliquait avant. Mais finalement, quand on a retrouvé ce film dans une cave, finalement ce film est fini. Quand on trouvait le film dans un magasin, il apparaît à cavale. Parce que ce n'est pas une ébauche, puisque sinon il n'y aurait pas les slogans. Mais 68, il avait déjà fait une œuvre qu'il n'a jamais voulu montrer ou qu'il a donné à un ami, comme Picasso a fait des esquisses avant de faire une œuvre et qu'il a donné à ses amis. Avant de faire Guernica, c'est pareil, ou les demoiselles d'Avignon. C'est des esquisses qui ont progressé. No eren uns esbossos perquè ja hi havia els eslògans a la pel·lícula. Et finalement, ce film, je le revois sur grand écran, c'est une œuvre qui est déjà finie avant d'amener les œuvres avec de la musique et après le long métrage narratif. Parce que mon père a fait un seul film long métrage narratif. Sí, el meu pare només havia fet un film de llarg metratge narratiu i aquest film estava acabat és com... Realment no és un esbós, però sí que és un primer pas, no? Per anar cap a un cinema que ja inclou el so i que s'hauria de tornar cada vegada més complex. Sí, perquè és un cinema diferent, completament. Un cinema per fer de cinema. C'est un cinéma qui... Mais je ne sais même pas faire le cinéma. C'est un cinéma qui s'est improvisé parce que mon père avait besoin de filmer pour s'exprimer en dehors du métier d'acteur. Mon père avait la nécessité de filmer pour exprimer fuera de comme acteur. Parce qu'être acteur, c'est une frustration. C'est une frustration. Même le plus grand, comme Marlon Brando, j'ai connu Marlon Brando, c'est une frustration tombée à l'autre. Marlon Brando, també és una frustration. Bertolucci disait que mon père était le Marlon Brando français, comme Johnny Hallyday en France. C'est différent, mais c'est le travail de mon père en tant que réalisateur, c'est filmer, et après on écrit le scénario et le montage. C'est tout l'inverse d'une production normale. Tal com treballa el meu pare, és una mica al revés que com es fa normalment, és perquè filmar, i després es fa el guió i el muntatge. C'est-à-dire que tant d'années accumulées de pellicules, ensuite il a écrit les scénarios, il a ordonné sa vision des choses, et ça a fait cinq films qu'il a réalisé sur des années, parce que comme il a toujours produit ses films, tout s'est fait sur 6-7 ans un film. C'est à l'âge de aquests anys és quan han sortit aquestes 5 pel·lícules. Comme le long métrage que mon père a fait qui s'appelle À l'ombre de la canaille bleue, comme un métrage qui est dit À l'ombre de la canaille bleue, il était muet. Et à l'inauguration du Centre Georges Pompidou à Paris, il y a l'inauguration du Centre Georges Pompidou à Paris, on a montré le film muet avec le groupe Urban Sax sans saxophoniste. Vam mostrar el film mut amb el grup Urban Sax sense saxophoniste, qui jouait en direct dessus, que jouait en direct. Donc c'était mon père a créé le film et concert. Mon frère a créé le cinéma et concert. Parce que et tous les gens jouaient en live sur la musique et tous les musiciens venaient jouer, à chaque fois c'était différent, c'était une création totale. C'est que la carrière est différente. Et ensuite, quand il a eu le centre Georges Pompidou, lui a offert l'auditorium gratuitement, les musiciens ont pu venir enregistrer la bande sonore pour le coller au film. I quan el centre Georges Pompidou li va oferir l'auditori, parce que c'est très cher de louer un auditorium pour enregistrer. Comme ce n'est pas une production commerciale, c'est tout l'argent personnel de mon père qui est passé dans son œuvre. Comme il disait mon père, il n'a ruiné que lui-même. Bueno, que es molt car de un auditori, com deia el seu pare, que es va arruinar per ell mateix, no? Sí, perquè no és comercial. Maintenant, c'est futuriste parce qu'il est en avance sur son temps. Et aujourd'hui, ça commence à avoir une dimension mondiale. Non, ce cinéma-là, je crois que le cinéma se paraît futuriste, ça a avancé dans son temps. M'agradaria preguntar-te, m'agradaria preguntar-te una mica a nivell de l'estil del teu pare, sobretot de l'ús que en fa del color, dels moviments de càmera, i sobretot a nivell del muntatge, no? D'aquestes sobreimpressions que formen part d'aquest estil molt del Pierre, no? O sigui, com Godard, que quan veiem un pla de Godard, sabem que és de Godard, una mica si veiem les pel·lícules de Pierre Clementi, amb un sol pla ja en tenim prou per saber que és una pel·lícula seva, no? M'agradaria que, si ens poguessis explicar com plantejava a nivell formal el teu pare les pel·lícules. No, je pense que c'était... Comme c'était uniquement une caméra 16 mm. Une caméra Bollé 16 mm. Comme Godard avait une Bollex. Mais Godard voulait faire des films. Mon père, il voulait pas faire des films. La différence de Godard, il voulait faire películas, el Pierre Clementi no tenía aquesta intención. Mon père, il voulait faire comme vous aujourd'hui, comme tout le monde. Avec une vidéo ou un téléphone portable, filmé comme ça, ses filles, raconter sa vie. El meu pare volia fer com tots vosaltres avui en dia, que he tingut un telèfon mòbil per poder filmar el que veia. Il avait besoin d'avoir dans ses mains une caméra pour s'amuser, pour voir, pour filmer la vie, le monde, ses amis, sa famille. Un journal, comme vous écrivez, lui, le journal, c'était en 16 mm, ça coûtait cher, hein, pour tourner comme ça tous les jours. Il tenia necessitat per viure de filmar lo que deia, de sa família, de gent que s'estimava, de seus amics, igual que escriuria en un diari, ell feia el mateix amb la càmera, tot i que costava molt més car perquè la pel·lícula costa diners. Mais sans aucune prétention, sans aucune arrière-pensée de faire du cinéma pour... Quand on veut faire un film aujourd'hui, on décide, je veux faire un film. C'est tout le bordel, écrire un scénario, chercher un producteur. Lui, non, lui s'en foutait, c'est pas ça qui l'intéressait. Lui, c'est, il tourne parce qu'il a envie. Et qu'il a son argent, il le met, il prend une caméra et il tourne. Il ne demande rien à personne. C'est après, ses films sont réalistes. Ont réussi à être des films parce qu'après, il a voulu et il a pu. Mais c'est... que lui qui a décidé. Il n'a jamais été tributaire du cinéma commercial, sinon il aurait fait une carrière comme Delon ou Depardieu ou Jean-Paul Belmondo. Il a préféré être libre toute sa vie. C'est pour ça que c'est un artiste. Il a peint, il a joué de la musique, il y a dit merde à tout le monde. Sintetitzant una mica el que ha dit i que seria un test, ell ja ha dit abans ja que no tenia cap mena d'intenció de fer pel·lícules comercials ni de dedicar-se a això professionalment, simplement va filmar, després ho va muntar i deia merda a tothom, no sé com traduir-ho això, i el resultat és... Merda existent. Mais il a refusé. Quand tu dis merde au système, si tu dis non à Fellini, il a refusé, c'était l'icône de Fellini. Il a refusé Théorème de Pasolini. Il a refusé 4-5 chefs-d'œuvre et ça lui a permis de faire des films underground ou d'art et d'essai qui aujourd'hui sont reconnus. Va negar-se o va refusar fer algunes pel·lícules com per exemple el Teorema de Pasolini, etcètera, i algunes altres pel·lícules que ara avui en dia són molt reconegudes. Et après, en fait, il a fait les films de Garel, qui aujourd'hui, Garel est devenu une sorte d'icône, pas pour moi, mais je le connais bien. Mais Garel aujourd'hui, tout le monde ne joue que par lui, et à l'époque il était détesté, comme tous les cinémas d'art et d'essai français, tous les commerciaux, Bertrand Blier, tout ça détestait. Mon père a refusé les valseuses quand même. Il a dit merde deux fois à Blier. Alors je voudrais raconter au point de vue technique. C'est-à-dire que mon père, il a tout ce qu'il a fait, ce que vous voyez là, il y a 5 autres films, et moi j'ai produit 2-3 inédits qui sont des époques. À part ce que vous avez vu, les films d'autres pellicules, et moi j'ai produit 3 pellicules inédites, qui sont les gossos. Qui sont muets, comme ça. Qui sont mudes, comme la que vous avez vu. Et il y en a un qui est beaucoup montré parce qu'on joue en ciné-concert, il est 48 minutes. Et il y a un autre qui se montre beaucoup souvent parce que c'est un cinéma-concert, qui dure 48 minutes. Et la seconde mujer, la deuxième femme, et se joue avec des musiciens contemporains, deux jeunes qui font en live. Toquen dos músics contemporanis que toquen en directe. I això és super. Et Positano, comme c'est passé à Positano, et Souvenir, c'est 3 inédits qui sont des esquisses. Et comme mon père montait en inversible, image originale, direct sortie de la caméra, pas d'inter-négatif, direct. I com que el meu pare muntava no amb negatiu, sinó amb negatiu, és a dir, directe, la pel·lícula que sortia de la càmera, ell la muntava directament a la taula de muntatge. Se llama l'inversible positif. C'est-à-dire qu'il passait pas directement à faire des négatifs comme on fait les photos. Il prenait direct et il montait, et il filmait, et il montait. Après, il montait et c'était une esquisse là. Et après, il reprenait. C'est pour ça que c'est assez récurrent dans ces films où on voit toujours les mêmes images qui reviennent. Los mismas imágenes que se progressionnent. Al principi l'entenc, no? Ell treballava directament no amb el negatiu, sinó amb la pel·lícula i per tant hi ha imatges que es van repetir. Com más, 30 minuts, 40, l'evolucion, com des esquís. Comme si fossent les gossos. Et comme mon père montait tout à Chumanos, non comme une machine. Comme quand on montait une parole analogique. Image par image. Image par image. Muchos años de trabajo, la nuit à Pompidou, toute la nuit, il travaillait, il montait la nuit pendant 7 ans, 8 ans pour tout faire. Et la musique est venue après. Et les films ont fait. C'est pas tellement le temps d'avoir tourné, c'est le temps du montage qui est principal dans un film. Toutes les impressions, les surimpressions, c'est du travail, c'est ça le travail. C'est pas tellement de ça, c'est le journal, le diario, tout le dia, c'est bien. A la veritable treball d'aquest monopi no era tan durar, perquè sempre anava amb la càmera, sinó després tot el temps que implicava el muntatge d'aquestes imatges que li ha donat. C'est-à-dire que la créativité s'est créée avec la base du matériel. La créativité surgeix amb la base del material. Et après, là où est le vrai génie, je pense, c'est le montage. Et el muntatge és on es veu la qualitat de gènere. Et ensuite, la réflexion de ce qu'on veut raconter. I la reflexió del que volem explicar. Pot ser que em pugui obrir la parola? Sí. Potser hi ha alguna pregunta o algun comentari?